Augmente le tarot poteau. T'es cramé devant le bloc, matrice écarte le couteau. Tout au bénéstrip comme Pelé au Maracana. Et si t'as plus de nouvelles de moi, c'est qu'ils m'auront cané. Mal au kilo comme le pilon qui est rentré au rasier. J'en dis pas trop où je vais pas passer comme elle a tracé. Elle a tracé quand elle a vu les problèmes, l'envers du décor. La tour d'à côté fait chaque jour l'assassin ma DJ Core. Parano, j'évite les pièges, pourquoi t'es si lèche? Je rentre en jeu et je sors du siège, je suis comme Hakim Ziyech. Les petites chez moi, ils veulent gamin Skilo, le boule de Christina. Elle voulait du Prada Moschino, regarde la Miskina. Martin dans la salle d'attente, une occasion sale l'attente. Façon si ça m'ouvre pas, je vais rentrer chasser dans la tente. Que des classiques dans la tête, je vais serrer le disque dur. Gibson, Kamikaze, ils sont où nos disques d'or? Je connais beaucoup de disquetteurs, je fais des sessions de 17h. Tellement chien au quartier, ça fait jobber les petits skaters. J'suis pas un voyou, j'suis juste le reflet du secteur. On n'a jamais respecté les balances et les inspecteurs. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Tu veux la French Riviera en Panamera? Oui mon ami, quand j'passe à fond dans le virage, les yeux d'Elvira brillent dans la nuit. J'me dis que demain ça ira, au cœur de pirate dans les rues j'navigue. J'viens j'récupère ma Celia et Buena Sera. Gros pétard, vert de sky, bien noir dans un petit sauna. Ça parle pour air que ça garoffe, ils sont pleins de saucisses cela. Cet enculé voulait pas payer, alors il le saucissonna. Ça fait pousser 50 degrés dans le rift, c'est pire que l'Arizona. Le plan est tombé, allô on passe au plan B. À vouloir monter vite, des pequeños se sont fait plomber. De bon matin, ça déjeune café noir avec un bangé. Tu veux durer, il faut des coraux grandés. On fait du rap d'Anna depuis petit peu, on fait pas d'art baroque. Si tu parles mal, on te met des gros revers comme Roger Federer. J'suis comme un 4 gars, j'arrive dans le game comme le Ragnarok. Ils avaient pas les couilles en solitaire, alors ils fédèrent. Les petits ont fait un poteau, ça sont chargés sur la côte en décapotable. Pas difficile, ils te feront pépon si t'es pas potable. Ça fume la patate, tu tires une barre, elle va te choquer. Ça passait la frontière, 200 000 dans le parachoqué. Écoutez des quartiers de France jusqu'à Montréal. Ça va la serra, ça part comme des barres de céréales. Guetteur à la fulle, cul posé sur la quechua. À l'aise à tous les postes, sur le terrain comme Kimi Joshua. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Tu veux la French Riviera en Panamera? Oui mon ami, quand j'passe à fond dans le virage, les yeux d'Elvira brillent dans la nuit. J'me dis que demain ça ira, au cœur des pirates dans les rues j'navigue. J'viens j'récupère ma Celia et Buena Sera. C'est pas ça la vie, non, c'est pas ça la vie. Tu veux la French Riviera en Panamera? Mon ami, quand je passe à fond dans le virage, les yeux d'Elvira brillent dans la nuit. Je me dis que demain ça ira, au cœur des pirates dans les rues j'navigue. Je récupère ma Celia et Buena Sera.